Section 12 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre deuxième, chapitre 9, une Bastille de province. Titre 1, la Tourgue. Le voyageur qui, il y a 40 ans, entrait dans la forêt de Fougères du côté de Laignelet, en ressortait du côté de Parigné, faisait, sur la lisière de cette profonde futaie, une rencontre sinistre. En débouchant du hallier, il avait brusquement devant lui la tourgue. Non la tourgue vivante, mais la tourgue morte. La tourgue lézardée, sabordée, balafrée, démantelée. La ruine est à l'édifice ce que le fantôme est à l'homme. Pas de plus lugubre vision que la tourgue. Ce qu'on avait sous les yeux, c'était une haute tour ronde, toute seule au coin du bois comme un malfaiteur. Cette tour, droite, sur un bloc de roche à pic, avait presque l'aspect romain, tant elle était correcte et solide, et tant, dans cette masse robuste, l'idée de la puissance était mêlée à l'idée de la chute. Romaine, elle l'était même un peu, car elle était romane. Commencée au IXe siècle, elle avait été achevée au XIIe, après la troisième croisade. Les impostes à hauts rayons de ses baies disaient son âge. On approchait, on gravissait l'escarpement, on apercevait une brèche, on se risquait à entrer, on était dedans, c'était vide. C'était quelque chose comme l'intérieur d'un clairon de pierre posé debout sur le sol. Du haut en bas, aucun diaphragme. Pas de toit, pas de plafond, pas de plancher. Des arrachements de voûtes et de cheminées, des embrasures à fauconneaux, à des hauteurs diverses, des cordons de corbeaux de granit et quelques poutres transversales marquant les étages. Sur les poutres, les fientes des oiseaux de nuit, la muraille colossale, 15 pieds d'épaisseur à la base et 12 au sommet, ça et là des crevasses et des trous qui avaient été des portes, par où l'on entrevoyait les escaliers dans l'intérieur ténébreux du mur. Le passant qui pénétrait là le soir entendait crier les hulottes, les têtes chèvres, les bihoreaux et les crapauds volants, et voyait sous ses pieds des ronces, des pierres, des reptiles, et sur sa tête, à travers une rondeur noire qui était le haut de la tour et qui semblait la bouche d'un puits énorme, les étoiles. C'était la tradition du pays qu'aux étages supérieurs de cette tour, il y avait des portes secrètes, faites, comme les portes des tombeaux des rois de Juda, d'une grosse pierre tournant sur pivot, s'ouvrant, puis se refermant et s'effaçant dans la muraille. Mode architectural rapporté des croisades avec l'ogive. Quand ces portes étaient closes, il était impossible de les retrouver, tant elles étaient bien mêlées aux autres pierres du mur. On voit encore aujourd'hui de ces portes-là, dans les mystérieuses cités de l'Anti-Liban, échappées au tremblement des 12 villes sous Tibère. Titre 2. La brèche. La brèche par où l'on entrait dans la ruine était une trouée de mine. Pour un connaisseur, familier avec Erard, Sardi et Pagan, cette mine avait été savamment faite. La chambre à feu en bonnet de prêtre était proportionnée à la puissance du donjon qu'elle avait à éventrer. Elle avait dû contenir au moins 2 quintaux de poudre. On y arrivait par un canal serpentant qui vaut mieux que le canal droit. L'écroulement produit par la mine montrait à nu dans le déchirement de la pierre le saucisson qui avait le diamètre voulu d'un œuf de poule. L'explosion avait fait à la muraille une blessure profonde, par où les assiégeants avaient dû pouvoir entrer. Cette tour avait évidemment soutenu, à diverses époques, de vrais sièges en règle. Elle était criblée de mitrailles. Et ces mitrailles n'étaient pas toutes du même temps. Chaque projectile a sa façon de marquer un rempart. Et tous avaient laissé à ce donjon leur balafre, depuis les boulets de pierre du XIVe siècle jusqu'aux boulets de fer du XVIIIe. La brèche donnait entrée dans ce qui avait dû être le rez-de-chaussée. Vis-à-vis de la brèche, dans le mur de la tour, s'ouvrait le guichet d'une crypte taillée dans le roc et se prolongeant dans les fondations de la tour, jusque sous la salle du rez-de-chaussée. Cette crypte, aux trois quarts comblée, a été déblayée en 1835 par les soins de M. Auguste Leprévost, l'antiquaire de Bernay. Titre 3. L'oubliette. Cette crypte était l'oubliette. Tout donjon avait la sienne. Cette crypte, comme beaucoup de caves pénales des mêmes époques, avait 2 étages. Le premier étage, où l'on pénétrait par le guichet, était une chambre voûtée assez vaste, de plein pied avec la salle du rez-de-chaussée. On voyait, sur la paroi de cette chambre, 2 sillons parallèles et verticaux qui allaient d'un mur à l'autre, en passant par la voûte où ils étaient profondément emprunts, et qui donnaient l'idée de 2 ornières. C'étaient 2 ornières, en effet. Ces 2 sillons avaient été creusés par 2 roues. Jadis, au temps féodaux, c'était dans cette chambre que se faisait l'écartèlement, par un procédé moins tapageur que les 4 chevaux. Il y avait là 2 roues, si fortes et si grandes qu'elle touchait les murs et la voûte. On attachait à chacune de ces roues un bras et une jambe du patient, puis on faisait tourner les deux roues en sens inverse, ce qui arrachait l'homme. Il fallait de l'effort. De là les ornières creusées dans la pierre que les roues effleuraient. On peut voir encore aujourd'hui une chambre de ce genre, à Vianden. Au-dessous de cette chambre, il y en avait une autre. C'était l'oubliette véritable. On n'y entrait point par une porte, on y pénétrait par un trou. Le patient, nu, était descendu, au moyen d'une corde sous les aisselles, dans la chambre d'en bas par un soupirail pratiqué au milieu du dallage de la chambre d'en haut. S'il s'obstinait à vivre, on lui jetait sa nourriture par ce trou. On voit encore aujourd'hui un trou de ce genre à Bouillon. Par ce trou, il venait du vent. La chambre d'en bas, creusée sous la salle du rez-de-chaussée, était plutôt un puits qu'une chambre. Elle aboutissait à de l'eau et un souffle glacial l'emplissait. Ce vent, qui faisait mourir le prisonnier d'en bas, faisait vivre le prisonnier d'en haut. Il rendait la prison respirable. Le prisonnier d'en haut, à tâtons sous sa voûte, ne recevait d'air que par ce trou. Du reste, qui y entrait ou qui y tombait n'en sortait plus. C'était au prisonnier à s'en garer dans l'obscurité. Un faux pas pouvait du patient d'en haut faire le patient d'en bas. Cela le regardait. S'il tenait à la vie, ce trou était son danger. S'il s'ennuyait, ce trou était sa ressource. L'étage supérieur était le cachot, l'étage inférieur était le tombeau. Superposition ressemblante à la société d'alors. C'est là ce que nos aïeux appelaient un cul de basse-fosse. La chose ayant disparu, le nom pour nous n'a plus de sens. Grâce à la Révolution, nous entendons prononcer ces mots-là avec indifférence. Du dehors de la tour, au-dessus de la brèche qui en était, il y a 40 ans, l'entrée unique, on apercevait une embrasure plus large que les autres meurtrières, à laquelle pendait un grillage de fer, descellé et défoncé. Titre 4. Le pont Châtelet. À cette tour, et du côté opposé à la brèche, se rattachait un pont de pierre de 3 arches peu endommagé. Le pont avait porté un corps de logis dont il restait quelques tronçons. Ce corps de logis, où étaient visibles les marques d'un incendie, n'avait plus que sa charpente noircie, sorte d'ossature à laquelle passait le jour, et qui se dressait auprès de la tour comme un squelette à côté d'un fantôme. Cette ruine est aujourd'hui tout à fait démolie, et il n'en reste aucune trace. Ce qu'ont fait beaucoup de siècles et beaucoup de rois, il suffit d'un jour et d'un paysan pour le défaire. La tourgue, abréviation paysanne, signifie la tourgue au vin, de même que la jupelle signifie la jupelière, et que ce nom d'un bossu chef de bande, Pinson le Thor, signifie Pinson le Tortue. La tourgue, qui il y a 40 ans était une ruine, et qui aujourd'hui est une ombre, était en 1793 une forteresse. C'était la vieille bastille des Gauvins, gardant à l'Occident l'entrée de la forêt de Fougères, forêt qui, elle-même, est à peine un bois, maintenant. On avait construit cette citadelle sur un de ces gros blocs de schiste qui abondent entre Mayenne et Dinan, et qui sont partout épars parmi les halliers et les bruyères, comme si les titans s'étaient jetés là des pavés à la tête. La tour était toute la forteresse. Sous la tour, le rocher. Au pied du rocher, un de ces cours d'eau que le mois de janvier change en torrent et que le mois de juin met à sec. Simplifié à ce point, cette forteresse était, au Moyen-Âge, à peu près imprenable. Le pont l'affaiblissait. Les Gauvins gothiques l'avaient bâti sans pont. On y abordait par une de ces passerelles branlantes qu'un coup de hache suffisait à rompre. Tant que les Gauvins furent vicomtes, elle leur plut ainsi, et ils s'en contentèrent. Mais quand ils furent marquis, et quand ils quittèrent la taverne pour la cour, ils jetèrent 3 arches sur le torrent, et ils se firent accessibles du côté de la plaine, de même qu'ils s'étaient fait accessibles du côté du roi. Les marquis, au XVIIe siècle, et les marquises, au XVIIIe, ne tenaient plus à être imprenables. Copier Versailles remplaça ceci. Continuez les aïeux. En face de la tour, du côté occidental, il y avait un plateau assez élevé, allant aboutir aux plaines. Ce plateau venait presque toucher la tour, et n'en était séparé que par un ravin très creux, où coulait le cours d'eau, qui est un affluent du Couesnon. Le pont, trait d'union entre la forteresse et le plateau, fut fait haut sur pile. Et sur ces piles, on construisit, comme à Chenonceau, un édifice en style mansard, plus logeable que la tour. Mais les mœurs étaient encore très rudes. Les seigneurs gardèrent la coutume d'habiter les chambres du donjon, pareilles à des cachots. Quant au bâtiment sur le pont, qui était une sorte de petit châtelet, on y pratiqua un long couloir qui servait d'entrée et qu'on appela la salle des gardes. Au-dessus de cette salle des gardes, qui était une sorte d'entresol, on mit une bibliothèque. Au-dessus de la bibliothèque, un grenier. De longues fenêtres à petites vitres en verre de bohème, des pilastres entre les fenêtres, des médaillons sculptés dans le mur, 3 étages. En bas, des pertuisanes et des mousquets, au milieu, des livres, en haut, des sacs d'avoine. Tout cela était un peu sauvage et fort noble. La tour à côté était farouche. Elle dominait cette bâtisse coquette de toute sa hauteur lugubre. De la plateforme, on pouvait foudroyer le pont. Les deux édifices, l'un abrupt, l'autre poli, se choquaient plus qu'ils ne s'accostaient. Les deux styles n'étaient point d'accord. Bien que deux demi-cercles semblent devoir être identiques, rien ne ressemble moins à un plein cintre roman qu'une archivolte classique. Cette tour digne des forêts était une étrange voisine pour ce pont digne de Versailles. Qu'on se figure Alain Barbetorte donnant le bras à Louis XIV. L'ensemble terrifiait. Des deux majestés mêlées sortaient on ne sait quoi de féroce. Au point de vue militaire, le pont, assistons-y, livrait presque la tour. Il l'embellissait et la désarmait. En gagnant de l'ornement, elle avait perdu de la force. Le pont la mettait de plein pied avec le plateau. Toujours inexpugnable du côté de la forêt, elle était maintenant vulnérable du côté de la plaine. Autrefois, elle commandait le plateau. À présent, le plateau la commandait. Un ennemi, installé là, serait vite maître du pont. La bibliothèque et le grenier étaient pour l'assiégeant et contre la forteresse. Une bibliothèque et un grenier se ressemblent en ceci que les livres et la paille sont du combustible. Pour un assiégeant qui utilise l'incendie, brûler Homer ou brûler une botte de foin, pourvu que cela brûle, c'est la même chose. Les Français l'ont prouvé aux Allemands en brûlant la bibliothèque de Heidelberg, et les Allemands l'ont prouvé aux Français en brûlant la bibliothèque de Strasbourg. Ce pont, ajouté à la tourgue, était donc stratégiquement une faute. Mais au XVIIe siècle, sous Colbert et Louvois, les princes Gauvin, pas plus que les princes de Rohan ou les princes de la Trémoille, ne se croyaient désormais assiégeables. Pourtant, les constructeurs du pont avaient pris quelques précautions. Premièrement, ils avaient prévu l'incendie. Au-dessous des trois fenêtres du côté aval, ils avaient accroché transversalement, avec crampons qu'on voyait encore il y a un demi-siècle, une forte échelle de sauvetage, ayant pour longueur la hauteur des deux premiers étages du pont, hauteur qui dépassait celle de trois étages ordinaires. Deuxièmement, ils avaient prévu l'assaut. Ils avaient isolé le pont de la tour au moyen d'une lourde et basse porte de fer. Cette porte était cintrée. On la fermait avec une grosse clé qui était dans une cachette connue du maître seul, et, une fois fermée, cette porte pouvait défier le bélier et presque braver le boulet. Il fallait passer par le pont pour arriver à cette porte, et passer par cette porte pour pénétrer dans la tour. Pas d'autre entrée. Titre 5. La porte de fer. Le deuxième étage du châtelet du pont, surélevé à cause des piles, correspondait avec le deuxième étage de la tour. C'est à cette hauteur que, pour plus de sûreté, avait été placée la porte de fer. La porte de fer s'ouvrait du côté du pont sur la bibliothèque et du côté de la tour sur une grande salle voûtée avec piliers au centre. Cette salle, on vient de le dire, était le second étage du donjon. Elle était ronde comme la tour. De longues meurtrières donnant sur la campagne l'éclairaient. La muraille, toute sauvage, était nue et rien n'en cachait les pierres, d'ailleurs très symétriquement ajustées. On arrivait à cette salle par un escalier en colimaçon pratiqué dans la muraille, chose toute simple quand les murs ont 15 pieds d'épaisseur. Au Moyen-Âge, on prenait une ville rue par rue, une rue maison par maison, une maison chambre par chambre. On assiégeait une forteresse étage par étage. La tourgue était sous ce rapport fort savamment disposée et très revêche et très difficile. On montait d'un étage à l'autre par un escalier en spirale d'un abord malaisé. Les portes étaient de biais et n'avaient pas hauteur d'homme, et il fallait baisser la tête pour y passer. Or, tête baissée, c'est tête assommée. Et à chaque porte, l'assiégé attendait l'assiégeant. Il y avait au-dessous de la salle ronde à piliers deux chambres pareilles, qui étaient le premier étage et le rez-de-chaussée, et au-dessus trois. Sur ces six chambres superposées, la tour se fermait par un couvercle de pierre qui était la plateforme, et où l'on arrivait par une étroite guérite. Les 15 pieds d'épaisseur de muraille qu'on avait dû percer pour y placer la porte de fer, et au milieu desquels elle était scellée, l'emboîtait dans une longue voussure, de sorte que la porte, quand elle était fermée, était tant du côté de la tour que du côté du pont, sous un porche de 6 ou 7 pieds de profondeur. Quand elle était ouverte, ces deux porches se confondaient et faisaient la voûte d'entrée. Sous le porche du côté du pont, s'ouvrait dans l'épaisseur du mur le guichet bas d'une vis de Saint-Gilles, qui menait au couloir du premier étage, sous la bibliothèque. C'était encore là une difficulté pour l'assiégeant. Le châtelet sur le pont n'offrait à son extrémité du côté du plateau qu'un mur à pic, et le pont était coupé là. Un pont-levis, appliqué contre une porte basse, le mettait en communication avec le plateau, et ce pont-levis, qui, à cause de la hauteur du plateau, ne s'abaissait jamais qu'en plan incliné, donnait dans le long couloir dit salle des gardes. Une fois maître de ce couloir, l'assiégeant, pour arriver à la porte de fer, était forcé d'enlever de vive force l'escalier en vis de Saint-Gilles qui montait au deuxième étage. Titre 6. La bibliothèque. Quant à la bibliothèque, c'était une salle oblongue, ayant la largeur et la longueur du pont, et une porte unique, la porte de fer. Une fausse porte battante, capitonnée de drap vert et qu'il suffisait de pousser, masquait à l'intérieur la voussure d'entrée de la tour. Le mur de la bibliothèque était du haut en bas et du plancher au plafond, revêtu d'armoires vitrées dans le beau goût de menuiserie du XVIIe siècle. 6 grandes fenêtres, 3 de chaque côté, une au-dessus de chaque arche, éclairaient cette bibliothèque. Par ces fenêtres, du dehors et du haut du plateau, on en voyait l'intérieur. Dans les entre-deux de ces fenêtres se dressaient sur des gaines de chêne sculptées 6 bustes de marbre. Hermolaus de Byzance, Athénée, grammairien nocratique, Suidas, Casaubon, Clovis, roi de France, et son chancelier, Anacalus, lequel du reste n'était pas plus chancelier que Clovis n'était roi. Il y avait dans cette bibliothèque des livres quelconques. Un est resté célèbre. C'était un vieil in-quarto avec estampes, portant pour titre en grosses lettres Saint-Barthélemy et pour sous-titre Évangile selon Saint-Barthélemy, précédé d'une dissertation de Panthénoïs, philosophe chrétien, sur la question de savoir si cet évangile doit être réputé apocryphe et si Saint-Barthélemy est le même que Nathanaël. Ce livre, considéré comme exemplaire unique, était sur un pupitre au milieu de la bibliothèque. Au dernier siècle, on le venait voir par curiosité. Titre 7. Le grenier. Quant au grenier, qui avait comme la bibliothèque la forme oblongue du pont, c'était simplement le dessous de la charpente du toit. Cela faisait une grande halle encombrée de paille et de foin et éclairée par 6 mansardes. Pas d'autre ornement qu'une figure de Saint Barnabé, sculptée sur la porte et, au-dessous, ce vers « Barnabus Sanctus Falsem Jubet Ire Per Herbam ». Ainsi une haute et large tour à 6 étages, percée çà et là de quelques meurtrières, ayant pour entrée et pour issue unique une porte de fer donnant sur un pont châtelet, fermé par un pont-levis. Derrière la tour, la forêt. Devant la tour, un plateau de bruyère, plus haut que le pont, plus bas que la tour. Sous le pont, entre la tour et le plateau, un ravin profond, étroit, plein de broussailles. Torrent en hiver, ruisseau au printemps, fossé pierreux l'été. Voilà ce qu'était que la tour Gauvin, dite la Tourgue. Chapitre 10. Les otages. Juillet s'écoula. Août vint. Un souffle héroïque et féroce passait sur la France. 2 spectres venaient de traverser l'horizon. Marat, un couteau au flanc, Charlotte Corday sans tête. Tout devenait formidable. Quant à la Vendée, battue dans la grande stratégie, elle se réfugiait dans la petite, plus redoutable, nous l'avons dit. Cette guerre était maintenant une immense bataille déchiquetée dans les bois. Les désastres de la grosse armée, dite catholique et royale, commençaient. Un décret envoyait en Vendée l'armée de Mayence. 8000 Vendéens étaient morts à Ancenis. Les Vendéens étaient repoussés de Nantes, débusqués de Montaigu, expulsés de Thouars, chassés de Noirmoutier, culbutés hors de Cholet, de Mortagne et de Saumur. Ils évacuaient Parthenay, ils abandonnaient Clisson, ils lâchaient pied à Châtillon, ils perdaient un drapeau à Saint-Hilaire, ils étaient battus à Pornic, au Sable, à Fontenay, à Douai, au Château d'Eau, au Pont-de-Cé. Ils étaient en échec à Luçon, en retraite à la Châtaigneraie, en déroute à la Roche-sur-Yon. Mais d'une part, ils menaçaient la Rochelle, et d'autre part, dans les eaux de Guernesey, une flotte anglaise, aux ordres du général Craig, portant, mêlée aux meilleurs officiers de la marine française, plusieurs régiments anglais, n'attendait qu'un signal du marquis de Lantenac pour débarquer. Ce débarquement pouvait redonner la victoire à la révolte royaliste. Pitt était d'ailleurs un malfaiteur d'État. Dans la politique, il y a la trahison, de même que dans la panoplie, il y a le poignard. Pitt poignardait notre pays et trahissait le sien. C'est trahir son pays que de le déshonorer. L'Angleterre, sous lui et par lui, faisait la guerre punique. Elle espionnait, fraudait, mentait. Braconnière et faussaire, rien ne lui répugnait. Elle descendait jusqu'aux minuties de la haine. Elle faisait accaparer le suif, qui coûtait 5 francs la livre. On saisissait à Lille sur un anglais, une lettre de Prigent, agent de Pitt en Vendée, où l'on lisait ces lignes. « Je vous prie de ne pas épargner l'argent. Nous espérons que les assassinats se feront avec prudence. Les prêtres déguisés et les femmes sont les personnes les plus propres à cette opération. Envoyez 60 000 livres à Rouen et 50 000 livres à Caen. » Cette lettre fut lue par Barrère à la Convention le 1er août. À ses perfidies ripostaient les sauvageries de Paraine et plus tard les atrocités de Carrier. Les républicains de Metz et les républicains du Midi demandaient un marché contre les rebelles. Un décret ordonnait la formation de 24 compagnies de pionniers pour incendier les haies et les clôtures du bocage. crise inouïe. La guerre ne cessait sur un point que pour recommencer sur l'autre. Pas de grâce, pas de prisonniers, était le cri des deux parties. L'histoire était pleine d'une ombre terrible. Dans ce mois d'août, la tourgue était assiégée. Un soir, pendant le lever des étoiles, dans le calme d'un crépuscule caniculaire, pas une feuille de remuant dans la forêt, pas une herbe de frissonnant dans la plaine, à travers le silence de la nuit tombante, un son de trompe se fit entendre. Ce son de trompe venait du haut de la tour. À ce son de trompe répondit un son de clairon qui venait d'en bas. Au haut de la tour, il y avait un homme armé. En bas, dans l'ombre, il y avait un camp. On distinguait confusément dans l'obscurité autour de la tour Gauvin un fourmillement de forme noire. Ce fourmillement était un bivouac. Quelques feux commençaient à s'y allumer, sous les arbres de la forêt et parmi les brouillards du plateau, et piquaient, çà et là, de points lumineux les ténèbres, comme si la terre voulait s'étoiler en même temps que le ciel. Sombres étoiles que celles de la guerre. Le bivouac du côté du plateau se prolongeait jusqu'aux plaines, et du côté de la forêt s'enfonçait dans le hallier. La tour y était bloquée. L'étendue du bivouac des assiégeants indiquait une troupe nombreuse. Le camp serrait la forteresse étroitement et venait du côté de la tour jusqu'au rocher, et du côté du pont jusqu'au ravin. Il y eut un deuxième bruit de trompe que suivit un deuxième coup de clairon. Cette trompe interrogeait et ce clairon répondait. Cette trompe, c'était la tour qui demandait au camp. « Peut-on vous parler ?» Et ce clairon, c'était le camp qui répondait. « Oui !» À cette époque, les Vendéens n'étant pas considérés par la Convention comme belligérants, et défense étant faite par décret d'échanger avec les brigands des parlementaires, on suppliait comme on pouvait en communication que le droit des gens autorise dans la guerre ordinaire et interdit dans la guerre civile. De là, dans l'occasion, une certaine entente entre la trompe paysanne et le clairon militaire. Le premier appel n'était qu'une entrée en matière. Le second appel posait la question. « Voulez-vous écouter ?» Si, à ce second appel, le clairon se taisait, refus. Si le clairon répondait, consentement. Cela signifiait « trêve de quelques instants ». Le clairon ayant répondu au deuxième appel, l'homme qui était au haut de la tour parla, et l'on entendit ceci. « Homme qui m'écoutait, je suis Gouge de Bruant, surnommé Brise-Bleu, parce que j'ai exterminé beaucoup des vôtres, et surnommé aussi Limanus, parce que j'en tuerai encore plus que j'en ai tué. J'ai eu le doigt coupé d'un coup de sabre sur le canon de mon fusil, à la table de Granville. » Et vous avez fait guillotiner à Laval mon père et ma mère et ma sœur Jacqueline, âgée de 18 ans. Voilà ce que je suis. Je vous parle au nom de Monseigneur le marquis Gauvin de Lantenac, vicomte de Fontenay, prince breton, seigneur des sept forêts, mon maître. Sachez d'abord que Monseigneur le marquis, avant de s'enfermer dans cette tour où vous le tenez bloqué, a distribué la guerre entre 6 chefs, 6 lieutenants. Il a donné à Delières le pays entre la route de Brest et la route d'Ernée. À Treton, le pays entre la Rouée et Laval. À Jacquet, dit Taillefer, la lisière du Haut-Maine. À Gaulier, dit Grand-Pierre, Château-Gontier. À Lecomte, Craon. Fougère à Monsieur Dubois-Guy. Et toute la Mayenne à Monsieur de Rochambeau. De sorte que rien n'est fini pour vous par la prise de cette forteresse, et que, lors même que Monseigneur le Marquis mourrait, la Vendée de Dieu et de Roi ne mourra pas. Ce que j'en dis, sachez cela, est pour vous avertir. Monseigneur est là, à mes côtés. Je suis la bouche par où passent ces paroles. « Homme qui nous a siégés, faites silence. Voilà ce qu'il importe que vous entendiez. N'oubliez pas que la guerre que vous nous faites n'est point juste. Nous sommes des gens qui habitons notre pays, et nous combattons honnêtement, et nous sommes simples et purs sous la volonté de Dieu, comme l'herbe sous la rosée. C'est la République qui nous a attaqués. Elle est venue nous troubler dans nos campagnes, et elle a brûlé nos maisons et nos récoltes, et mitraillé nos métairies, et nos femmes et nos enfants ont été obligés de s'enfuir pieds nus dans les bois, pendant que la fauvette d'hiver chantait encore. » Vous qui êtes ici et qui m'entendez, vous nous avez traqués dans la forêt, et vous nous cernez dans cette tour. Vous avez tué ou dispersé ceux qui s'étaient joints à nous. Vous avez du canon. Vous avez réuni à votre colonne les garnisons et postes de Mortain, de Barenton, de Teuil, de Landivy, d'Evran, de Tinténiac et de Vitré. Ce qui fait que vous êtes 4500 soldats qui nous attaquez. Et nous, nous sommes 19 hommes qui nous défendons. Nous avons des vivres et des munitions. Vous avez réussi à pratiquer une mine et à faire sauter un morceau de notre rocher et un morceau de notre mur. Cela a fait un trou au pied de la tour et ce trou est une brèche par laquelle vous pouvez entrer, bien qu'elle ne soit pas à ciel ouvert et que la tour, toujours forte et debout, fasse voûte au-dessus d'elle. Maintenant, vous préparez l'assaut. Et nous, d'abord Monseigneur le Marquis, qui est prince de Bretagne et prieur séculier de l'abbaye de Sainte-Marie de Lantenac, où une messe de tous les jours a été fondée par la reine Jeanne. Ensuite, les autres défenseurs de la tour, dont est M. l'abbé Turmeau, en guerre grand franqueur, mon camarade Guinoiseau, qui est capitaine du camp vert, mon camarade Chante en hiver, qui est capitaine du camp de l'avoine, mon camarade Lamusette, qui est capitaine du camp des fourmis, et moi, paysan, qui suis né au bourg de Daon, au coude du ruisseau Moriambre, nous tous, nous avons une chose à vous dire. Homme qui est au bas de cette tour, écoutez. Nous avons en nos mains trois prisonniers qui sont trois enfants. Ces enfants ont été adoptés par un de vos bataillons et ils sont à vous. Nous vous offrons de vous rendre ces trois enfants. À une condition, c'est que nous aurons la sortie libre. Si vous refusez, écoutez bien, vous ne pouvez attaquer que de deux façons. Par la brèche du côté de la forêt ou par le pont, du côté du plateau. Le bâtiment sur le pont a trois étages. Dans l'étage d'en bas, moi, Limanus, moi qui vous parle, j'ai fait mettre 6 tonnes de goudron et 100 fascines de bruyère sèche. Dans l'étage d'en haut, il y a de la paille. Dans l'étage du milieu, il y a des livres et des papiers. La porte de fer qui communique du pont avec la tour est fermée, et monseigneur en a la clé sur lui. Moi, j'ai fait sous la porte un trou, et par ce trou passe une mèche soufrée, dont un bout est dans une des tonnes de goudron, et l'autre bout à la portée de ma main, dans l'intérieur de la tour. J'y mettrai le feu comme bon me semblera. Si vous refusez de nous laisser sortir, les trois enfants seront placés dans le 2e étage du pont, entre l'étage où aboutit la mèche soufrée, et où est le goudron, et l'étage où est la paille, et la porte de fer sera refermée sur eux. Si vous attaquez par le pont, ce sera vous qui incendierez le bâtiment. Si vous attaquez par la brèche, ce sera nous. Si vous attaquez à la fois par la brèche et par le pont, le feu sera mis à la fois par vous et par nous. Et dans tous les cas, les trois enfants périront. À présent, acceptez ou refusez. Si vous acceptez, nous sortons. Si vous refusez, les enfants meurent. J'ai dit. L'homme qui parlait du haut de la tour se tut. Une voix d'en bas cria. Nous refusons. Cette voix était brève et sévère. Une autre voix, moins dure, ferme pourtant, ajouta. Nous vous donnons 24 heures pour vous rendre à discrétion. Il y eut un silence et la même voix continua. Demain, à pareille heure, si vous n'êtes pas rendu, nous donnons l'assaut. Et la première voix reprit. Et alors, pas de quartier. À cette voix farouche, une autre voix répondit, du haut de la tour. On vit entre deux créneaux se pencher une haute silhouette dans laquelle on put, à la lueur des étoiles, reconnaître la redoutable figure du marquis de Lantenac. Et cette figure, dont un regard tombait dans l'ombre et semblait chercher quelqu'un, cria « Tiens, c'est toi, prêtre !»« Oui, c'est moi, traître !» répondit la rude voix d'en bas. Chapitre 11. Affreux comme l'antique. La voix implacable, en effet, était la voix de Simourdin. La voix plus jeune et moins absolue était celle de Gauvin. Le marquis de Lantenac, reconnaissant l'abbé Simourdin, ne s'était pas trompé. En peu de semaines dans ce pays que la guerre civile faisait sanglant, Simourdin, on le sait, était devenu fameux. Pas de notoriété plus lugubre que la sienne. On disait Marat à Paris, Chalier à Lyon, Simourdin en Vendée. On flétrissait l'abbé Simourdin de tout le respect qu'on avait eu pour lui autrefois. C'est là l'effet de la vie de prêtre retournée. Simourdin faisait horreur. Les sévères sont des infortunés. Qui voient leurs actes les condamnent, qui verraient leur conscience les absoudrait peut-être. Un liturge qui n'est pas expliqué semble un Tibère. Quoi qu'il en fût, deux hommes, le marquis de Lantenac et l'abbé Simourdin, étaient égaux dans la balance de haine. La malédiction des royalistes sur Simourdin faisait contrepoids à l'exécration des républicains pour Lantenac. Chacun de ces deux hommes était, pour le camp opposé, le monstre. À tel point qu'il se produisit ce fait singulier que, tandis que Prieur de la Marne à Granville mettait à prix la tête de Lantenac, Charette à Noirmoutier mettait à prix la tête de Simourdin. Disons-le, ces deux hommes, le marquis et le prêtre, étaient, jusqu'à un certain point, le même homme. Le masque de bronze de la guerre civile a deux profils. L'un tourné vers le passé, l'autre tourné vers l'avenir. Mais aussi tragique l'un que l'autre. Lantenac était le premier de ces profils, Simourdin était le second. Seulement, la mer rictus de Lantenac était couverte d'ombre et de nuit, et sur le front fatal de Simourdin, il y avait une lueur d'aurore. Cependant, la tour d'assiégée avait un répit. Grâce à l'intervention de Gauvin, on vient de le voir, une sorte de trêve de 24 heures avait été convenue. Limanus, du reste, était bien renseigné. Et par suite des réquisitions de Simourdin, Gauvin avait maintenant sous ses ordres 4 500 hommes, tant garde nationale que troupes de ligne, avec lesquels il cernait Lantenac dans la tourgue. Et il avait pu braquer contre la forteresse 12 pièces de canon, 6 du côté de la tour sur la lisière de la forêt, en batterie enterrée, et 6 du côté du pont, sur le plateau en batterie haute. Il avait pu faire jouer la mine et la brèche était ouverte au pied de la tour. Ainsi, sitôt les 24 heures de trêve expirées, la lutte allait s'engager dans les conditions que voici. Sur le plateau et dans la forêt, on était 4 500. Dans la tour, 19. Les noms de ces 19 assiégés peuvent être retrouvés par l'histoire dans les affiches de mise hors la loi. Nous les rencontrerons peut-être. Pour commander à ces 4500 hommes, qui étaient presque une armée, Simourdin aurait voulu que Gauvin se laissât faire adjudant général. Gauvin avait refusé et avait dit « Quand l'Atnat sera pris, nous verrons. Je n'ai encore rien mérité. » Ses grands commandements, avec d'humbles grades, étaient d'ailleurs dans les mœurs républicaines. Bonaparte, plus tard, fut en même temps chef d'escadron d'artillerie et général en chef de l'armée d'Italie. La tour Gauvin avait une destinée étrange. Un Gauvin l'attaquait, un Gauvin la défendait. De là, une certaine réserve dans l'attaque, mais non dans la défense. Car M. de Lantenac était de ceux qui ne ménagent rien. Et d'ailleurs, il avait surtout habité Versailles. Et il n'avait aucune superstition pour la tourgue, il connaissait à peine. Il était venu s'y réfugier, n'ayant plus d'autre asile, voilà tout. Mais il le démolut sans scrupule. Gauvin était plus respectueux. Le point faible de la forteresse était le pont. Mais, dans la bibliothèque qui était sur le pont, il y avait les archives de la famille. Si l'assaut était donné là, l'incendie du pont était inévitable. Il semblait à Gauvin que brûler les archives, c'était attaquer ses pères. La tourgue était le manoir de famille des Gauvin. C'est de cette tour que mouvaient tous leurs fiefs de Bretagne. De même que tous les fiefs de France mouvaient de la tour du Louvre. Les souvenirs domestiques des Gauvin étaient là. Lui-même, il y était né. Les fatalités tortueuses de la vie l'amenaient à attaquer, homme, cette muraille vénérable qu'il avait protégée, enfant. Serait-il impie envers cette demeure jusqu'à la mettre en cendres? Peut-être son propre berceau, à lui, Gauvin, était-il dans quelque coin du grenier de la bibliothèque? Certaines réflexions sont des émotions. Gauvin, en présence de l'antique maison de famille, se sentait ému. C'est pourquoi il avait épargné le pont. Il s'était borné à rendre toute sortie ou toute évasion impossible par cette issue, et à tenir le pont en respect par une batterie. Et il avait choisi pour l'attaque le côté opposé. De là la mine et la sape, au pied de la tour. Simourdin l'avait laissé faire. Il se le reprochait, car son âpreté fronçait le sourcil devant toutes ces vieilleries gothiques, et il ne voulait pas plus l'indulgence pour les édifices que pour les hommes. Ménager un château, c'était un commencement de clémence. Or, la clémence était le côté faible de Gauvin. Simourdin, on le sait, le surveillait et l'arrêtait sur cette pente, à ses yeux funestes. Pourtant lui-même, et en ne se l'avouant qu'avec sorte de colère, il n'avait pas revu la tourgue sans un secret tressaillement. Il se sentait attendri devant cette salle studieuse où étaient les premiers livres qu'il eut fait lire à Gauvin. Il avait été curé du village voisin, Parigné. Il avait, lui, Simourdin, habité les combles du châtelet du pont. C'est dans la bibliothèque qu'il tenait entre ses genoux le petit Gauvin et plan l'alphabet. C'est entre ces vieux quatre murs-là qu'il avait vu son élève bien-aimé, le fils de son âme, grandir comme homme et croître comme esprit. Cette bibliothèque, ce châtelet, ces murs pleins de ses bénédictions sur l'enfant, allait-il les foudroyer et les brûler? Il leur faisait grâce, non sans remords. Il avait laissé Gauvin entamer le siège sur le pont opposé. La tour y avait son côté sauvage, la tour, et son côté civilisé, la bibliothèque. Simourdin avait permis à Gauvin de ne battre en brèche que le côté sauvage. Du reste, attaqué par un Gauvin, défendu par un Gauvin, cette vieille demeure revenait, en pleine Révolution française, à ses habitudes féodales. Les guerres entre parents sont toute l'histoire du Moyen-Âge. Les Étéocles et les Polynices sont gothiques, aussi bien que grecs, et Hamlet fait dans Elsonneur ce qu'Oreste a fait dans Argos. Chapitre 12. Le sauvetage s'ébauche. Toute la nuit se passa, de part et d'autre, en préparatif. Sitôt le sombre pourparler qu'on vient d'entendre terminé, le premier soin de Gauvin fut d'appeler son lieutenant. Deschamps, qu'il faut un peu connaître, était un homme de second plan. Honnête, intrépide, médiocre, meilleur soldat que chef, rigoureusement intelligent jusqu'au point où c'est le devoir de ne plus comprendre, jamais attendri, inaccessible à la corruption quelle qu'elle fût, aussi bien à la vénalité qui corrompt la conscience qu'à la pitié qui corrompt la justice. Il avait sur l'âme et sur le cœur ses deux abat-jours, la discipline et la consigne, comme un cheval à ses garde-vues sur les deux yeux, et il marchait devant lui dans l'espace que cela lui laissait libre. Son pas était droit, mais sa route était étroite. Du reste, homme sûr, rigide dans le commandement, exact dans l'obéissance. Gauvin adressa vivement la parole à Deschamps. « Deschamps, une échelle. Mon commandant, nous n'en avons pas. Il faut en avoir une. Pour escalade? Non, pour sauvetage. » Deschamps réfléchit et répondit. « Je comprends, mais pour ce que vous voulez, il la faut très haute. D'au moins 3 étages. Oui, mon commandant. C'est à peu près la hauteur. Et il faut dépasser cette hauteur, car il faut être sûr de réussir. Sans doute. Comment se fait-il que vous n'ayez pas d'échelle? Mon commandant, vous n'avez pas jugé à propos d'assiéger la tourgue par le plateau. Vous êtes contenté de la bloquer de ce côté-là. Vous avez voulu attaquer non par le pont, mais par la tour. On ne s'est plus occupé que de la mine, et l'on a renoncé à l'escalade. C'est pourquoi nous n'avons pas d'échelle. Faites-en faire une sur le champ. Une échelle de 3 étages ne s'improvise pas. Faites ajouter bout à bout plusieurs échelles courtes. Il faut en avoir. Trouvez-en! On n'en trouvera pas! Partout, les paysans détruisent les Seychelles, de même qu'ils démontent les charrettes et qu'ils coupent les ponts. Ils veulent paralyser la République, c'est vrai. Ils veulent que nous ne puissions ni traîner un charroi, ni passer une rivière, ni escalader un mur. Il me faut une échelle pourtant. J'y songe, mon commandant. Il y a à Javenay, près de Fougères, une grande charpenterie. On peut en avoir une, là. Il n'y a pas une minute à perdre. Quand voulez-vous avoir l'échelle? Demain, à pareille heure ou plus tard. Je vais envoyer à Javenay un express à franc étrier. Il portera l'ordre de réquisition. Il y a à Javenay un poste de cavalerie qui fournira l'escorte. L'échelle pourra être ici demain, avant le coucher du soleil. C'est bien, cela suffira, dit Gauvin. Faites vite, allez. 10 minutes après, Guéchamp revint et dit à Gauvin. Mon commandant, l'express est parti pour Javenay. Gauvin monta sur le plateau et demeura longtemps, l'œil fixé sur le pont Châtelet qui était en travers du ravin. Le pignon du Châtelet, sans autre baie que la basse entrée fermée par le pont-levis dressé, faisait face à l'escarpement du ravin. Pour arriver du plateau au pied des piles du pont, il fallait descendre le long de cet escarpement, ce qui n'était pas impossible, de broussaille en broussaille. Mais une fois dans le fossé, l'assaillant serait exposé à tous les projectiles pouvant pleuvoir des 3 étages. Gauvin acheva de se convaincre qu'au point où le siège en était, la véritable attaque était par la brèche de la tour. Il prit toutes ses mesures pour qu'aucune fuite ne fût possible. Il compléta les 3 blocus de la tourgue. Il resserra les mailles de ses bataillons, de façon que rien ne pût passer au travers. Gauvin et Simourdin se partagèrent l'investissement de la forteresse. Gauvin se réserva le côté de la forêt et donna à Simourdin le côté du plateau. Il fut convenu que, tandis que Gauvin, secondé par Guéchamp, conduirait l'assaut par la sape, Simourdin, toutes les mèches de la batterie haute allumées, observerait le pont et le ravin. Chapitre 13. Ce que fait le marquis. Pendant qu'au dehors, tout s'apprêtait pour l'attaque, au dedans, tout s'apprêtait pour la résistance. Ce n'est pas sans une réelle analogie qu'une tour se nomme une douve. Et l'on frappe quelquefois une tour d'un coup de mine, comme une douve d'un coup de poinçon. La muraille se perce comme une bonde. C'est ce qui était arrivé à la tourgue. Le puissant coup de poinçon, donné par 2 ou 3 quintaux de poudre, avait troué de part en part le mur énorme. Ce trou partait du pied de la tour, traversait la muraille dans sa plus grande épaisseur, et venait aboutir, en arcade informe, dans le rez-de-chaussée de la forteresse. Du dehors, les assiégeants, afin de rendre ce trou praticable à l'assaut, l'avaient élargi et façonné à coups de canon. Le rez-de-chaussée où pénétrait cette brèche était une grande salle ronde toute nue, avec pilier central portant la clé de voûte. Cette salle, qui était la plus vaste de tout le donjon, n'avait pas moins de 40 pieds de diamètre. Chacun des étages de la tour se composait d'une chambre pareille, mais moins large, avec des logettes dans les embrasures des meurtrières. La salle du rez-de-chaussée n'avait pas de meurtrière, pas de soupiraux, pas de lucarne. Juste autant de jour et d'air qu'une tombe. La porte des oubliettes, faite de plus de fer que de bois, était dans la salle du rez-de-chaussée. Une autre porte de cette salle ouvrait sur un escalier qui conduisait aux chambres supérieures. Tous les escaliers étaient pratiqués dans l'épaisseur du mur. C'est dans cette salle basse que les assiégeants avaient chance d'arriver par la brèche qu'ils avaient faite. Cette salle prise, il leur restait la tour à prendre. On n'avait jamais respiré dans cette salle basse. Nul n'y passait 24 heures sans être asphyxié. Maintenant, grâce à la brèche, on y pouvait vivre. C'est pourquoi les assiégés ne fermèrent pas la brèche. D'ailleurs, à quoi bon? Le canon l'eût rouverte. Ils piquaient dans le mur une torchère de fer, ils plantèrent une torche, et cela éclaira le rez-de-chaussée. Maintenant, comment s'y défendre? Murer le trou était facile, mais inutile. Une retirade valait mieux. Une retirade, c'est un retranchement à angle rentrant, sorte de barricade chevronnée qui permet de faire converger les feux sur les assaillants, et qui, en laissant à l'extérieur la brèche ouverte, la bouche à l'intérieur. Les matériaux ne leur manquaient pas. Ils construisirent une retirade, avec fissure pour le passage des canons de fusil. L'angle de la retirade s'appuyait au pilier central. Les 2 ailes touchaient le mur des 2 côtés. Cela fait, on disposa dans les bons endroits des fouillasses. Le marquis dirigeait tout. Inspirateur, ordonnateur, guide et maître, âme terrible. Lantenac était de cette race d'hommes de guerre du XVIIIe siècle qui, à 80 ans, sauvait des villes. Il ressemblait à ce comte d'Albert qui, presque centenaire, chassa de Riga le roi de Pologne. « Courage, ami !» disait le marquis. « Au commencement de ce siècle, en 1713, à Bandère, Charles XII, enfermé dans une maison, a tenu tête avec 300 Suédois à 20 000 Turcs. On barricada les 2 étages d'en bas. On fortifia les chambres, on crénela les alcôves, on contrebuta les portes avec des solives enfoncées à coups de maillet, qui faisaient comme des arcs-boutants. Seulement, on dut laisser libre l'escalier en spirale, qui communiquait à tous les étages, car il fallait pouvoir y circuler. Et l'entravé pour l'assiégeant, c'eût été l'entravé pour l'assiégé. La défense des places a toujours ainsi un côté faible. Le marquis, infatigable, robuste comme un jeune homme, soulevant des poutres, portant des pierres, Donne un exemple. Mettait la main à la besogne, commandait, aidait, fraternisait, riait avec ce clan féroce. Toujours le seigneur, pourtant, haut, familier, élégant, farouche. Il ne fallait pas lui appliquer. Il disait « Si une moitié de vous se révoltait, je la ferais fusiller par l'autre. Et je défendrais la place avec le reste. Ces choses-là font qu'on adore un chef. » Chapitre 14. Ce que fait Limanus. Pendant que le marquis s'occupait de la brèche et de la tour, Limanus s'occupait du pont. Dès le commencement du siège, l'échelle de sauvetage, suspendue transversalement en dehors et au-dessous des fenêtres du deuxième étage, avait été retirée par ordre du marquis et placée par Limanus dans la salle de la bibliothèque. C'est peut-être à cette échelle-là que Gauvin voulait suppléer. Les fenêtres du premier étage entresol, dites salle des gardes, étaient défendues par une triple armature de barreaux de fer scellés dans la pierre, et l'on ne pouvait ni entrer ni sortir par là. Il n'y avait point de barreaux aux fenêtres de la bibliothèque, mais elles étaient très hautes. Limanus se fit accompagner de trois hommes comme lui, capables de tout et résolus à tout. Ces hommes étaient Wanard, dit Branche d'Or, et les deux frères Piquembois. Limanus prit une lanterne sourde, ouvrit la porte de fer, et visita minutieusement les trois étages du châtelet du pont. Wanard Branche d'Or était aussi implacable que Limanus, ayant eu un frère tué par les Républicains. Limanus examina l'étage d'en haut, regorgeant de foin et de paille, et l'étage d'en bas, dans lequel il fit apporter quelques pots à feu qu'il ajouta aux tonnes de goudron. Il fit mettre le tas de fascines de brouillère en contact avec les tonnes de goudron, et il s'assura du bon état de la mèche chauffrée, dont une extrémité était dans le pont et l'autre dans la tour. Il répandit sur le plancher, sous les tonnes et sous les fascines, une mare de goudron, où il émergea le bout de la mèche chauffrée. Puis il fut placé dans la salle de la bibliothèque, entre le rez-de-chaussée où était le goudron et le grenier où était la paille, les trois berceaux où étaient René Jean, Gros Alain et Georgette, plongés dans un profond sommeil. On apporta les berceaux très doucement, pour ne point réveiller les petits. C'étaient de simples petites crèches de campagne, sorte de corbeilles d'osier, très basses, composées à terre, ce qui permet à l'enfant de sortir du berceau seul et sans aide. Près de chaque berceau, Limanus fit placer une écuelle de soupe avec une cuillère de bois. L'échelle de sauvetage, décrochée de ses crampons, avait été déposée sur le plancher, contre le mur. Limanus fit ranger les trois berceaux bout à bout, le long de l'autre mur, en regard de l'échelle. Puis, pensant que des courants d'air pouvaient être utiles, il ouvrit toutes grandes les six fenêtres de la bibliothèque. C'était une nuit d'été, bleue et tiède. Il envoya les frères Piquembois ouvrir les fenêtres de l'étage inférieur et de l'étage supérieur. Il avait remarqué, sur la façade orientale de l'édifice, un grand vieux lierre desséché, couleur d'amadou, qui couvrait tout un côté du pont du haut en bas et encadrait les fenêtres les trois étages. Il pensa que ce lierre ne nuirait pas. Limanus jeta partout un dernier coup d'œil. Après quoi, ces quatre hommes sortirent du châtelet et rentrèrent dans le donjon. Limanus referma la lourde porte de fer à double tour, considéra attentivement la serrure énorme et terrible, et examina, avec un signe de tête satisfait, la mèche soufrée qui passait par le trou pratiqué par lui, et était désormais la seule communication entre la tour et le pont. Cette mèche partait de la chambre ronde, passait sous la porte de fer, entrait sous la voussure, descendait l'escalier du rez-de-chaussée du pont, serpentait sur les degrés en spirale, rampait sur le plancher du couloir entre-sol et allait aboutir à la mare de goudron, sous le tas de fascines sèches. Limanus avait calculé qu'il fallait environ un quart d'heure pour que cette mèche, allumée dans l'intérieur de la tour, mit le feu à la mare de goudron, sous la bibliothèque. Tous ces arrangements pris et toutes ces inspections faites, il rapporta la clé de la porte de fer au marquis de Lantenac, qui la mit dans sa poche. Il importait de surveiller tous les mouvements des assiégeants. Limanus alla se boster en vedette, sa trompe de bouvier à la ceinture, dans la guérite de la plateforme, au haut de la tour. Tout en observant, un œil sur la forêt, un œil sur le plateau, il avait près de lui, dans l'embrasure de la lucarne de la guérite, une poire à poudre, un sac de toile plein de balles de calibre et de vieux journaux qu'il déchirait, et il faisait des cartouches. Quand le soleil parut, il éclaira dans la forêt huit bataillons, le sabre au côté, la giberne au dos, la baïonnette au fusil, prêts à l'assaut. Sur le plateau, une batterie de canons avec caissons, gargouzes et boîtes à mitraille. Dans la forteresse, 19 hommes, chargeant des tromblons, des mousquets, des pistolets et des espingoles. Et, dans les trois berceaux, 3 enfants endormis. Fin de la section 12.